éternelle. Éternelle semblent les choses, le désir ainsi que les roses, mais rien ici-bas ne demeure. Le destin un jour nous effleure en une heure. Plus rien n'est vrai. Quand tu chantes ma guitare, chante à mon amour toute ma peine. Puisque la vie nous sépare, je n'ai plus que toi qui t'en souviennes. Quand tu chantes ma guitare, mets dans ta musique l'accent nostalgique des plus beaux regrets. Dis-lui que mon bonheur s'en va, mais dis-lui aussi que mon cœur n'oublie pas et n'oubliera jamais. Dis-lui encore, quand tu chantes ma guitare, combien je l'aimais. Quand tu chantes ma guitare, mets dans ta musique l'accent nostalgique des plus beaux regrets. Dis-lui que mon bonheur s'en va, mais dis-lui aussi que mon cœur n'oublie pas et n'oubliera jamais. Dis-lui encore, quand tu chantes ma guitare, combien je l'aimais. Tout passe, tout passe.